j'essaye de mettre une deuxième piste. Bonjour RP. Rémi Patrick. Non, RP. Putain, on a de ces pseudos, hein. Double basse, charotte. RP. République. Ah ouais. Moi, je vais prendre comme. Je vais m'appeler Macron. Je vais changer, je vais m'appeler Macron. Changer en temps réel le pseudo. Sharon, cela vient de Ozzy. Ah. Moi, je crois que j'ai toujours cru que c'était Sharon Stone, moi, mais bon. Est-ce que vous avez bien deux pistes séparées, moi? Et pourquoi il y a deux vues maîtres là?